بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة أما بعد فأهلا وسهلا بكم فإن شاء الله On va commencer, Inch'Allah, par la révision donc, du cours précédent, qui est le cours numéro 11, qui a tourné autour du thème qui est l'intention, An-Niyya. Donc on a pu voir que An-Niyya, quel est son jugement avant tout dans l'islam, c'est-à-dire dans tous les actes d'adoration. Parce que comme on a pu voir, c'est un pilier qui est à part entière. Non, un pilier de tout acte. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala lillahi ad-din al-khalas » Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala lillahi ad-din al-khalis. N'appartient-il pas à Allah azza wa jal la religion de la sincérité, c'est-à-dire l'acte, tous les actes qui sont voués pour Allah azza wa jal. Ad-din, c'est la chose par laquelle l'abd, le serviteur, se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a pu le voir, donc si jamais c'est une adoration de tout acte, ou plutôt un pilier de tout acte, donc la prière rentre dedans. Qui peut nous rappeler un hadith ou bien un dalil qui prouve que as-salah, ça fait partie de l'ibada, que la prière est un acte d'adoration. Donc vous avez bien répondu par la première. Comme nous a dit le frère Barglofi, le frère Barhman, par rapport à la ayah, Ya ayyuha allatheena amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la liaison entre eux. La ibada et al-rugu' al-sujud. Donc dans ce verset-là, les ulama nous disent yani, le fait que le rugu' al-sujud ont été liés à la ibada, ceci nous prouve que yani, al-rugu' al-sujud c'est un composant, un élément de la ibada. Donc toute ibada doit être vouée à Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quel est le dalil qui conditionne le fait que la ibada doit être vouée en exclusivité à Allah Azza wa Jal. Qu'il se rappelle du dalil. Sourate Al-Bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et ne leur a été cependant demandé qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui voyant la religion de sincérité, le culte exclusif. Donc ceci nous prouve que l'intention est une condition, est un pilier qui est demandé dans tous les actes d'adoration, qu'adalika, dans la prière. Et comme on a pu le voir, qu'adalika, comme l'a évoqué la sœur, Annie, par la définition de l'adoration, on comprend que la prière fait partie de l'adoration. Car, comme l'a dit Cheikh l'Islam Taïmiyyat, rahimahou ta'ala, il dit l'ibada, c'est kul ma habba Allah wa radiya min al-aqwal wa al-af'al al-zahirati wa al-batinah. C'est tout acte et na'am et parole dont Allah subhanahu wa ta'ala il aime et agrée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est clair qu'il aime la salat car il nous ordonne de faire la salat. Une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, c'est une chose qu'il aime et qu'il agrée. Donc, on lui dit aqimus salah, yani, accomplissez la prière, c'est un ordre dans lequel on ressent à travers cela que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée cette chose-là. Donc c'est une ibada. On avait dit, yani c'est un pilier, donc un pilier, le premier pilier qu'on a pu voir parmi les piliers de la prière. Qu'est-ce que ça comprend le fait d'intentionner la prière dans l'adoration, ou plutôt le fait d'intentionner dans la prière? Qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que cela inclut? Qu'est-ce que cela demande lorsque tu intentionnes dans ta prière? La première, qu'elle soit faite pour Allah azza wa jalla. Non, ça implique trois choses. Donc la première, comme l'a dit Abdul Rahman, c'est qu'elle soit faite pour Allah Azza wa Jalla. Il n'est pas voué, que l'intention soit vouée à autre qu'Allah. La deuxième, yani que, comme le frère, l'a évoqué le frère, Abdel Zahir, ça doit être yani pour différencier les actes. C'est-à-dire, lorsque tu pries Al-Dhahr, tu dois avoir l'intention de prier Al-Dhahr et non pas prier Barakallahu fikum Al-Asr ou bien Al-Fajr, une autre prière. Et la troisième, qui sera plus de la troisième, yani que ce soit fait par soumission. Yani que ce soit pas, yani lorsque tu pries, ou al-a'yadhu billah, yani que ce soit, ça devient une coutume. Que ça devient une coutume, et qu'il n'est pas ressenti à travers ton intention, que tu te soumets aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Et avec la recommandation lorsque c'est une sunnah. Kadhalika. Yani il ne fait pas une chose comme si jamais. Yani, c'est devenu yani, une chose banale. Non, il est soumis à Allah Azza wa Jalla. C'est un musulman qui se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il lui demande d'accomplir la prière ou bien une recommandation lorsque c'est une sunnah. Barakallahu fikum. Et quel est l'emplacement de l'intention dans la prière? Se fait-il par des gestes? Se fait-il par l'écriture? Par le cœur. Il doit intentionner par le cœur. Celui qui intentionne, c'est-à-dire, il évoque à voix haute son intention. Je vais faire prière, la prière de l'Asr. Qu'en est-il par rapport à son intention? Est-ce qu'il est permis de faire ça? Ou quel est le jugement? C'est une bid'a. Hadha bid'a fi din. Et si vous vous rappelez, Cheikh Naham, abarakallahu fikum. On est précédé. Et c'est une faiblesse d'esprit. Comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Naham. Il nous a dit, yani le fait d'intentionner, bid'a fi din, c'est un manquement dans la religion parce que ça, c'est contraint. C'est, ou bien c'est contraire à ce que Anabi Sussam l'a fait. Et kazalika bid'a ou naqis naqs, yani fi l'aql. Ceci nous montre que cette personne-là, elle est faible d'esprit. Il lui manque, comme on dit, une case. Car le fait de. Yanni, c'est tout à fait semblable à la personne, comme il l'a dit, à celui qui, lorsqu'il veut manger, il dit je veux manger, je vais tendre ma main pour prendre une bouchée de pain, pour ceci, cela, et l'akhir. Personne ne fait ça. Donc pourquoi ces choses-là, elles sont momentanées, c'est-à-dire qu'on ne la fait pas lorsque c'est des choses, yanni, coutumières, le fait de manger et l'akhir. Et lorsqu'elle a fait la salade, la personne. Ça montre que peut-être qu'il y a ces personnes-là, elles ont des wasaïs. Ashab al-wasaïs. Yani des fois, ils sont obligés de faire des œuvres pour s'affirmer à eux-mêmes qu'ils sont en train de faire l'œuvre. Donc peut-être Yani qu'il intentionne cela, ou il le dit à voix haute, afin qu'ils disent ah non, c'est bon, j'ai intentionné. Parce que certains, ils sont pris par les wasawis. On a Allah subhanahu wa ta'ala, yahfazana wa yakum minha. Ils sont pris par les wasawis, et ils s'imposent à eux-mêmes des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas à recommander. Donc il dit j'ai fait la prière pour dire en gros, s'affirme à lui-même qu'il a intentionné. Donc il n'y a pas besoin de faire ça. Il a dit, Cheikh Al-Ghazali, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parlait de l'intention, il dit, kafard al-dhahr ou al-asr ou sunnatihima. Est-ce que l'asr est une sunnah? C'est-à-dire, le fait de prier avant l'asr, est-ce que c'est une sunnah? Non, c'est pas une sunnah, tamam? Non. Il a dit oui, non, parce qu'il voit que le hadith, il est authentique. Le hadith est authentique, mais comme on a pu le voir, c'est un hadith qui n'est pas authentique. سوف أن نعم بين الإقامة والأذان والإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذين صلاة. entre les deux أذان. c'est-à-dire الإقامة. entre الأذان والإقامة. il y a une صلاة qui a ركعتين. نعم. donc il est permis de faire que cela. شيخ الألباني. il nous a par rapport au jugement de la النية nous dit هو شرط أو ركن. c'est-à-dire il dit soit c'est une condition ou soit c'est نعم un pilier. Qui tranche entre les deux? C'est une condition? Les deux. C'est une condition, pourquoi c'est une condition? Et pourquoi c'est les deux, Inch'Allah? Ceux qui ont dit que c'est une condition, chart, pourquoi? Et ceux qui ont dit c'est les deux, pourquoi? Car c'est avant le takbir. Car elle ne fait pas partie de la salah. Non, c'est avant la salah. Puisqu'elle est en dehors, il y a un pilier. Et n'oubliez pas la deuxième condition du pilier, c'est-à-dire que si jamais la personne ne le fait pas, son acte est annulé. Donc par rapport à ça, on sait que c'est une condition. Ça, on n'a pas de il n'y a pas de doute sur cela. Mais ceux qui ont dit c'est un pilier, pourquoi? Non, car c'est le pilier de tous les actes dans l'islam. Mais par rapport. Non, pour tout acte. Parce que tout acte, Yanni, repose sur le fait d'intentionner pour Allah Azzawajal et d'être soumis aux ordres d'Allah Azzawajal. Donc le fait qu'ils disent c'est une condition ou un pilier, il n'est pas en train de douter. Est-ce que c'est une condition ou c'est un pilier? Non. C'est clair et net que c'est une condition parmi les conditions de la prière. Naam, et c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et de tout acte d'adoration. On avait pu voir Kadalika par rapport au fait d'intentionner. Barakallahu fikum. Il y en a celui qui intentionne, autre qu'Allah Azza wa Jalla, on a pu voir que son œuvre. Aller annuler. Est-ce que c'est dans tous les cas ou bien dans certains cas? C'est-à-dire, est-ce que la personne qui fait Naham, qui prie par ostentation, dans tous les cas? Dans tous les cas. Si jamais c'est chaque As Akbar, si la personne ne se repent pas de cela, Yanni, ce sera un cas à faire. Il va mourir sur la mécréance, sur le kufr, sur le shirk. Il sera polythéiste. Et son acte ne sera pas pardonné, car là, il dit Naham. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Et si jamais c'est de là, l'ostentation, celui qui meurt sur l'ostentation, sans pour naham auparavant, s'être repenti. Est-ce que son œuvre, Yani, il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il veut le pardonner, s'il veut le châtier. Il n'est pas pardonné. Parce que la ayah, elle est générale. La ayah, elle est générale et Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui lui a fait l'association, c'est-à-dire qu'elle soit mineure ou majeure. Celui qui, barakallahu fikum, lorsqu'il prie, il intentionne de se soumettre à Allah azza wa jal, à l'ordre d'Allah azza wa jal. Il voue l'adoration pour Allah azza wa jal. Puis, une personne rentre à la mosquée et se met à embellir les actes de son acte et pour la personne qui est rentrée, pour qu'il dise cette personne-là a prié bien ceci, cela. Mais il ne fait pas cela pour vouer la soumission à cette personne-là, mais juste pour dire que c'est pour que cette personne-là lui fasse des éloges ou bien qu'elle dise celui-là, vraiment, il prie vraiment bien. Quel est le jugement de cette personne-là? Est-ce que c'est un kafir? Et est-ce que son acte il est accepté ou pas? Prière annulée. Tamam? Non. Donc ce n'est pas un kafir. Son acte il est rejeté. Et il y a une divergence par rapport à cela, mais l'avis prépondérant, c'est que son acte il est rejeté. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit oh, na'am, قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et si j'avais associé les œuvres qu'ils auraient entrepris ou qu'ils entreprennent, ils seront annulés. Tamam. Et qu'à l'écart, قال الله النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith القدسي قال الله سبحانه وتعالى من أشرك معي غيري تركته وشركه. Donc celui qui m'associe à moi, un autre, je le délaisserai, je le livrerai à lui-même, lui et pour la personne à qui il a voué son acte. C'est-à-dire qu'il ne trouvera pas la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal à partir du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a délaissé, lui, son œuvre et la personne vers qui il a associé. C'est-à-dire qu'il ne trouvera pas la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc il ne sera pas récompensé. Tout ce qu'on a pu voir, je crois. Non, mais comme je l'ai promis, c'était par rapport à celui qui prie d'Ara, une personne qui est étrangère. En fait, j'ai révisé donc le livre et j'ai vu qu'en fait, Shir ibn Hizam, Mohamed ibn Hizam, il n'avait pas détaillé la mas'ala. Je pensais que cette mas'ala, ce sujet-là était détaillé, mais en fait, il s'est contenté de dire que cela n'est pas convenable et qu'il ne fallait pas faire ça. La chose que je me rappelle, c'est qu'il avait dit, Yanni, c'est une interdiction. Wallah alam, la chose, c'est que c'est une interdiction. Parce que ça va lui amener à faire beaucoup de choses, à regarder beaucoup de choses qui sont interdites dans l'islam. Le fait déjà qu'il regarde. Il va regarder la femme, mais la personne, c'est une femme qui lui est étrangère. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de regarder la personne qui est étrangère. Le fait qu'elle soit devant lui, c'est clair et net qu'il va être amené à la regarder. Donc tout ce qui amène à l'interdiction est interdit. Ça, c'est l'avis qui est atarab. Et ça, c'est juste qu'il y a un point de vue. Mais Inch'Allah, on va demander une fatwa et au prochain cours, Inch'Allah. On n'hésitera pas à vous faire part de la fatwa d'Ahl al-Ilm, Inch'Allah. Donc, bismillah, on va rentrer sur le cours sur le takbir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Et na'am, par rapport à la traduction du résumé. Donc faites attention un peu. Ça va. J'ai pas eu le temps de bien regarder. Donc cette semaine j'étais un peu mashrouh, j'étais un peu occupé. Mais dans certains passages, il se limite à pas. Il y a certaines choses qui sont pas traduites et certaines choses qui sont mal traduites. Donc j'ai pas eu le temps. Je me rappelle, j'avais lu. Il y avait des choses qui étaient à revoir par rapport à la traduction. Mais malheureusement, j'ai pas noté. Donc Inch'Allah, faites attention par rapport à la traduction. Inch'Allah, nous on va traduire le texte, ça même. Nous on traduit tout. C'est-à-dire le texte et kazalika les annotations. Les annotations, si jamais elles sont de profit, on va les traduire. Donc après, Inch'Allah, faites une comparaison par rapport à ce qui a été dit et ce qui est écrit dans, ou bien traduit par cette personne-là. Barakallahu fikoum. Qala rahimahullahu ta'ala. At-takbir. Yani le fait de dire Allahu Akbar. Yani quel est son jugement dans la prière. At-takbir, donc, c'est yani de tirer du verbe kabbara yukabbiru takbira qui est, yani en français, immensifier, le fait d'immensifier, j'immensifie l'immensification. Tamam. At-takbir est là pour but de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal, car il vient du mot kabbara qui veut dire yani immensifier une chose. Donc, proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, قال الله عز وجل وكبره تكبيرا. يعني في آخر سورة الإسراء. Il nous dit وكبره تكبيرا. Et proclame hautement sa grandeur la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Donc proclamer hautement sa grandeur, c'est le fait de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala par ses caractéristiques qui sont majestueuses, ses attributs de grandeur que lui-même Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même. Proclamer hautement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi l'exempter de tout défaut, de toute imperfection qui s'est lui-même désapprouvé et désavoué. Donc le fait de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, c'est lui affirmer les attributs, yani de, les parfaits attributs que lui-même il s'est affirmé, et kazalika de lui de l'exempter de naram des attributs, yani des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est à lui-même yani refusé. Donc proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça passe par ça, par l'affirmation et par la négation des attributs qui ne sont pas propres à Allah Azza wa Jalla. Kadhalika, le fait de proclamer la grandeur d'Allah lorsque tu fais at-takbir, ça c'est une introduction avant de rentrer, car il est bon lorsqu'une personne a fait une chose que le sens de la chose qu'elle fait, elle le fait inshallah avec science, elle sait ce qu'elle est en train de faire. C'est pas qu'est-ce que at-takbir, c'est pas le simple fait de lever les mains ou de dire Allahu Akbar, mais ça a un sens, et ce sens là il faut qu'il soit inshallah ancré dans le cœur, il faut qu'il soit kadhalika vénéré. Comme proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal, yani cela implique de le vénérer et de vénérer yani ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vénéré. Yani vénérer son prophète sallallahu alayhi wa sallam et prendre sa défense, de vénérer son kitab, yani le Qur'an, et kadhalika de prendre sa défense, de vénérer yani de vénérer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, et plus particulièrement yani ce que lui-même a spécialement yani n'a vénéré. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa man يعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et c'est ainsi, et celui qui vénère les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala, en effet, cela fait partie de la piété des cœurs. Donc vénérer les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même vénéré fait partie de la piété des cœurs. Lorsque tu dis Allahu Akbar, lorsque tu kabbires une chose, lorsque tu l'immensifies, yani ceci fait partie de la piété des cœurs comme قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيب المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام السلطان المقصد رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc il dit, il fait partie intégrante de l'immensification d'Allah عز وجل, نعم, de donner et de respecter, بارك فيكم, la personne qui agit. Donc la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a vénéré le fait que tu naram immensifies ces choses-là, ça fait partie de l'immensification d'Allah Azza wa Jalla. Et le fait kazalika que tu respectes la personne qui a pris le Coran, qui l'applique avec modération, c'est-à-dire sans des mesures et ni sans laxisme. Et kazalika, l'imam, si jamais le sultan, nani, si jamais le gouverneur, c'est une personne de droite. Quant aux musulmans, lorsqu'il se présente à la salah, il lui est demandé de proclamer Allah subhanahu wa ta'ala par sa grandeur, qui maqal Allahu Akbar, en prononçant la formulation ou la formule qui est légiférée pour cela, qui est Allahu Akbar, le fait de dire Allahu Akbar. Vénérer soit la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-akbar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus grand et le plus vénéré dans nos cœurs, dans les cœurs des musulmans. Donc cette formule, elle ne se résulte pas, comme on a pu le dire avant, à une simple prononciation qui est dépourvue de sens. Donc lorsque le musulman il dit Allahu Akbar, il doit observer dans cette formule-là, barakallahu fikum, les valeurs que reviennent à Allah Azza wa Jalla. Il faut que son cœur il ressente cette vénération et cette immensification qu'il est en train de faire pour Allah Azza wa Jalla. C'est pas le simple fait de lever les mains et dire Allahu Akbar. Il faut qu'il ressente à travers son cœur qu'il est en train d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala par cet acte qui est as-salah, qui est as-salah. Donc nos cœurs, nos membres, nos langues, notre esprit, notre corps en lui-même, il doit immensifier Allah Azza wa Jalla. Il faut qu'il immensifie Allah Azza wa Jalla lorsqu'il se présente à la prière. Allahu Akbar. Donc cette formule-là de dire Allahu Akbar se nomme, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, at-takbir, le fait d'immensifier, en arabe, en français plutôt. Le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes et kadhalika par les paroles. Et cette formulation, et kadhalika, elle est appelée yani takbiratun al-ihram. Donc elle a deux appellations. Tu peux l'appeler Allahu Akbar, le fait que tu dises Allahu Akbar, tu peux appeler ça at-takbir, كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره تمام ou tu peux l'appeler كذلك تكبيرة الإحرام c'est-à-dire la formule comme ils disent en français يعني de conservation rituelle c'est-à-dire que la prononciation de cette formule يعني Allahu Akbar يعني c'est que tu es en train يعني lorsque tu as prononcé tu t'es interdit à toi-même يعني certaines choses qui avant ce takbir t'étaient licites tu t'es auto-proclamé des choses qui vont te devenir interdites de faire alors que avant que tu prononces cette formule-là, elles étaient licites. Et ça, c'est tiré du hadith Muawiyah ibn al-Hakam. Cette appellation-là de faire dire takbirat al-ihram, elle est tirée du hadith Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu ta'ala anhu, annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna hadhihi as-salah la tasluhu fiha shay'un min kalam an-nas, wa innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'at al-Qur'an, rawahu Muslim. Donc il dit, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith authentique, rapporté par l'imam muslim, selon Muawiyah ibn al-Hakam, il nous dit il n'est pas permis, en effet, dans la prière, de parler ou d'avoir des discours. La prière se résulte au tasbih, c'est-à-dire de sabbah, dire subhanallah, au takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et à la lecture du Coran. À la lecture du Coran. Donc, on peut tirer par rapport à ce hadith-là, que lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la tasluh, il n'est pas permis de parler dans la prière, c'est-à-dire que le fait de parler, avant la prière, c'est quoi? C'est licite. Yani, à partir du moment que le discours, ou bien c'est par Allah, Inch'Allah, soit fait, qu'elle soit au moindre de, à la moindre des choses, qu'elle soit autorisée. Tamam? Le fait de parler, c'est une chose qui est tout à fait licite. Tamam? Mais le fait que lorsque la personne rentre en takbir, c'est-à-dire rentre en salat et dit Allahu Akbar, à partir de ce moment-là, il lui est plus permis de parler, comme on va le voir, Inch'Allah. Les preuves qui prouvent cela. Et parmi ces preuves-là, ceci, ce hadith-là. Le fait qu'il a prononcé Allahu Akbar, il s'est autoproclamé le fait de ne pas parler pendant la prière. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça takbirat al-ihram, car elle interdit au musalli de faire certaines choses qui lui étaient permis avant qu'il prononce cette formule. Le fait de dire Allahu Akbar, tu peux l'appeler comme étant un takbir ou bien takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram. Car kazalika, elle refute le fait que la personne a pu se rigoler dans la prière. Tu ne peux pas rigoler, kazalika. Comme on a pu le voir, tu peux, la personne, lorsqu'elle dit Allahu Akbar, il lui interdit de parler par rapport au hadith. Et kazalika, il lui interdit de rigoler. Rigoler, on sait que c'est une chose qui est makruh, mais tu peux le faire de temps en temps. Mais lorsque la personne rentre dans la prière, c'est-à-dire elle dit Allahu Akbar, le fait de rigoler, il lui devient tout à fait interdit. Yani takbirat al-ihram. Yuhrimu alayhi an yadhak. Il lui interdit de rigoler à partir de ce moment-là. Comme cela est venu, min hadith Jabir ibn Abdillah, ou bien Athar ibn Abdillah, Jabir ibn Abdillah, Avon, qui nous dit Man dhahika fi salatihi. Celui qui ricane, celui qui rigole dans la prière, dans ses prières, qui recommence la prière. Et ce athar, il a été authentifié par Cheikh Ibn Hizam, Mohammed Ibn Hizam, Cheikhana, Hafidhahullah Ta'ala. Il nous dit, Cheikh Ibn Hizam, Hafidhahullah Ta'ala, on ne connaît aucun sahaba qui a contredit ce jugement-là. Donc c'est une chose qui était connue auprès des sahaba que celui qui rigole dans la prière, il faut qu'il recommence la salah. Il nous dit, l'imam Ibn Munzir, rahimahullah ta'ala, les ulama sont tous unanimes sur ce fait-là. Donc c'est un hadith, ou plutôt c'est une preuve, l'ijma', qui nous prouve que le fait de rigoler pendant la prière, ça t'oblige à recommencer la prière. Pourquoi? Parce que tu as commencé, tu as dit Allahu Akbar, tu t'es interdit à toi-même le fait de rigoler, car la prière, le fait de rigoler, ça contredit les valeurs de la prière. Parmi les valeurs de la prière, c'est le fait d'être concentré, le fait d'être humilié, le fait de se replier, le fait de revenir vers Allah Azza wa Jalla. Et la personne qui prie, qui rigole plutôt, ceci nous prouve que, à travers cela, il n'est pas vraiment replié à Allah Azza wa Jalla, il n'est pas vraiment humilié à Allah Azza wa Jalla. Donc, une des valeurs de la prière n'a pas été observée, donc la prière est annulée. La prière est annulée car la prière est faite pour se recueillir, pour revenir à Allah Azza wa Jalla, se replier vers lui. Et, barakallahu fikum. Il faut faire une différence entre le fait de rigoler et le fait de sourire. L'un annule la prière et l'autre n'a aucune preuve nous prouvant que la prière est annulée. Le fait que la personne sourit dans la prière, dans la salah, on n'a pas de dalil qui nous prouve que ceux qui sourient plutôt dans la salah, on n'a aucun dalil qui nous prouve que la prière elle est annulée. Certains des ulama ont dit c'est la même chose. Sourire et rigoler c'est la même chose, mais non, il y a une différence entre les deux. Le premier c'est dire tabassama, c'est sourire, et le deuxième c'est dhahika. Jabir ibn Abdillah nous a dit « Man dhahika » Il n'a pas dit « Man tabassama » Donc on n'a aucune preuve qui nous prouve que celui qui « Na'am barakafikum » sourit pendant la prière, ça annule la prière. Mais ce n'est pas pour autant que la personne lui permet de s'adonner à cela, car comme on a pu le voir, Parmi les valeurs de la prière, c'est le fait de se recueillir, le fait de se replier vers Allah Azzawajal par humilité, et le fait que la personne a souri. Ceci nous prouve que il a certes bien négligé cette valeur-là, même si jamais elle n'est pas vraiment, il n'a pas vraiment, comment dire, négligé dans tous ses aspects, mais il y a là un axe, il y a un manquement de repliement, un manquement de recueil, mais qui n'annule pas la prière. قال رحمه الله تعالى ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Cheikh Al-Albani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, lorsqu'il voulait ouvrir sa prière, c'est-à-dire prier, de dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc l'ouverture de la prière ne peut être validée, considérée, n'aram que par la formule Allahu Akbar. Le fait de dire Allahu Akbar. Celui qui prononce une formule autre que cela, et même si jamais on peut comprendre à travers cette formule qui est autre que Allahu Akbar, qu'il est en train d'immensifier Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas pour les termes de Subhanallah, Alhamdulillah, qui sont toutes des formules dans lesquelles il y figure une immensification pour Allah Azza wa Jal. Mais en aucun cas, il est permis à la personne de se dévier de cette formule. Lorsqu'il veut ouvrir la prière, il ne permet à cette personne-là que de dire Allahu Akbar. Même si jamais il ramène At-Tasbih et le dit, mille fois, si jamais il dit Alhamdulillah mille fois, sa prière ne sera jamais ouverte. C'est-à-dire que si jamais il lit ou bien il fait des rukou, il fait des soujouds, sa prière sera annulée. On ne pourra pas compter cette personne-là comme étant entrée en état de prière. Car il n'a pas prononcé la formule par laquelle il ouvre la prière. Comme il a dit le shir, summa yastaftihu as-salah biqawlihi Allahu Akbar, en prononçant Allahu Akbar. Naam. والدليل la preuve qui nous prouve que Nabi Sosam avait l'habitude de faire cela, c'est hadith Abi Humayd, dans lequel il est dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. رواه ابن ماجه والصححه الشيخ ابن حزم رحمه الله تعالى. Donc ce hadith rapporté par Ibn Majah selon Abi Humayd, qui nous dit النبي صلى الله عليه وسلم avait pour habitude, lorsqu'il ouvrait la prière, de se diriger vers la Qibla, de lever ses mains et ensuite de dire Allahu Akbar. Donc ceci nous prouve que Nabi sallam avait pour habitude de faire cela et de ne pas dire une formule autre que Allahu Akbar. Nabi sallam, il n'est pas connu dans sa sunna qu'il a dit une autre chose autre que Allahu Akbar. Donc comme a dit Nabi sallam, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas légiférée, son œuvre sera rejetée. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ثم يقول الله أكبر. رواه الطبراني وصححه كذلك الشيخ ابن حزم حفظه الله تعالى. Dans ce hadith qui est rapporté par Tabarani, nous est dit que le prophète a dit la prière d'aucun d'entre vous ne sera validée qu'après qu'il a fait, yani qu'il ait fait le wudu comme il se doit, puis ensuite qu'il dise Allahu Akbar. Donc le fait que nous dise le Nabi صلى الله عليه وسلم لا تتم, et la prière ne sera pas accomplie, ceci nous prouve qu'il n'y a pas d'autre formule qui puisse remplacer la formule Allahu Akbar. Ceci nous prouve que celui qui dit une formule autre que Allahu Akbar, sa prière ne sera pas acceptée et on ne pourra pas juger cette personne-là qu'elle est rentrée en prière. Quant aux personnes qui sont non arabes, est-il permis à ces personnes-là qui puissent prononcer ou bien apporter le sens de Allahu Akbar, c'est-à-dire pour nous qui sommes francophones, de dire Dieu est grand? La personne n'a pas la capacité, ou bien ce n'est pas un arabe, est-ce qu'il lui permet de dire Dieu est grand? Ou bien si jamais c'est un anglais, qui dise la formule, yani, ou bien le sens qui est rapporté à Allahu Akbar. Est-il permis à ces personnes-là de faire cela? Non. Il n'est pas permis à ces personnes-là de rapporter le sens de Allahu Akbar par leur propre, ou par leur propre langue, yani par leur manière de parler, car comme ils ont dit les ulama, même si jamais il n'a pas la capacité, ou plutôt même si jamais ce n'est pas un arabe, cela ne sait pas pour autant qu'il ne peut pas prononcer certains mots qui sont propres à la langue arabe ou même au français de souche. Yani, la personne qui est vraiment un vrai français, il peut le dire. Ce n'est pas une formule qui est dure à dire. Allahu Akbar. C'est tout à fait possible. Hatta, yani, comme on peut le voir, yani, dans la langue française, certains mots arabes sont rentrés dans la langue française. Les personnes, lorsqu'elles disent un docteur, disent At-tabib. Tabib, c'est un mot arabe. Ils disent Shouya. Il y a des choses qu'ils arrivent à dire, même si jamais ce sont des personnes qui ne sont pas arabes. Donc, le fait qu'il ne parle pas arabe ne fait pas pour autant qu'il puisse prononcer, lorsqu'il veut ouvrir la prière, de dire Dieu est grand ou bien une formule autre qui est propre à sa langue. Donc celui qui fait cela, sa prière ne sera pas ouverte et sa prière, si jamais il prie après cela, sa prière ne sera pas acceptée. Car Allah Akbar, c'est une formule qui est simple à dire pour tous. Quant à celui qui, barakallahu fikum, prononce cette formule, Allah Akbar, il y en a avec des fautes. Il sait la prononcer en arabe, laquelle il fait des fautes lorsqu'il la prononce, c'est-à-dire il met des moudoudes là où il ne fait pas. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, nous dit, celui qui, lorsqu'il prononce cette formule, modifie le sens de Allahu Akbar, sa prière ne sera pas ouverte. Si jamais il prie après cela, sa prière sera annulée. Car le fait de dire Allahu Akbar, c'est pas un simple terme. C'est un terme et c'est un terme qui comprend un sens. Donc à partir du moment où l'un des deux ne sera pas observé, c'est-à-dire si jamais, même si jamais il ramène une formule dans laquelle il est compris l'immensification, il comprend le sens de l'immensification comme c'est le cas, comme je vous ai dit, avec Subhanallah. Mais là, il n'a pas observé le terme qui doit être ramené, c'est-à-dire Allahu Akbar. Sa prière n'est pas acceptée et Naam, elle sera rejetée. L'inverse, celui qui vient avec le terme Allahu Akbar, lakin qui ramène un sens ou qui la prononce d'une manière qui va modifier le sens. Kazalika, sa prière sera annulée. Sa prière sera acceptée que si jamais il prononce la formule comme elle se doit avec le sens qu'elle comprend. Allahu Akbar et le sens qui est sans modifier la prononciation, laquelle qui va modifier kazalika le sens. Car mathalan, celui qui dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, là, au fait, c'est comme si jamais il se mettait un doute à lui-même. Il se pose une question. Il s'interroge. Est-ce que Allah, il est grand? Donc ça peut être du kufr. C'est adieu. Parce qu'il demande, est-ce que Allah est grand? Alors que le sens qui évolue, c'est quoi? Allah est grand. Yani Allahu Akbar. Donc le fait qu'il dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est comme s'il disait, est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est grand? Donc le sens qui évolue, lorsque tu dis Allahu Akbar, c'est d'immensifier Allah, azza wa jalla. Et non pas t'interroger, ou te mettre des doutes à toi-même, sur la grandeur et sur l'immensification d'Allah Azza wa Jalla. Donc le fait de prononcer de cette façon-là, si jamais il a fait par inadvertance, c'est-à-dire sans vouloir, sa prière n'est pas acceptée, mais ce n'est pas un acte qui fait sortir l'islam. Mais la personne qui le dit avec naram en pleine conscience, ça c'est grave. Ça c'est très grave pour lui. Car dans les cas, celui qui dit, mathalan, Allahu Akbar, et ça arrive, certains mu'adhin, lorsqu'ils font adhan, des fois ils se lâchent un peu et jusqu'à mettre des moudouds, des prolongements, là il ne faut pas. Allahu Akbar, Akbar. Le fait qu'il allonge le med après le bar, ça, il dit Ibn Qudama, c'est un autre sens. Le fait de dire Allahu Akbar, il dit Akbar, c'est le jam' de Barakallahu Fikum, si je ne me trompe pas, de Kabara. Il dit Akbara, c'est quoi? C'est le tambour. Les tam-tam. Donc le fait que la personne dit Allahu Akbar, c'est-à-dire que Allah est un tam-tam. Ça c'est un terme kadalika. La personne qui le dit volontairement, il sort de l'islam. La chaque, parce qu'il est en train de se moquer d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَّرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Est-ce que c'est d'Allah, c'est Aya et de son prophète que vous êtes en train de vous moquer? Ne demandez pas excuse, vous avez certes mécru après votre foi. Donc il faut bien faire attention, inshallah, lorsque la personne prononce Allahu Akbar, à ce qu'elle ne modifie pas yani ses prolongements, qu'elle le prononce yani comme yani il s'écrit Allahu Akbar, sans vouloir embellir la voix jusqu'à yani que ça va le pousser à mettre un prolongement et changer la modification du sens qui implique une négligence sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc inshallah, il faut faire attention à ça. Donc il faut observer le terme, il faut observer kazalika le sens. Le sens et le terme doivent être observés pour que la prière puisse être ouverte. Et il nous a ramené aussi kazalika parmi la mas'ala dans takbir, la personne qui est muette, la personne qui ne peut pas parler. Qu'est-ce qui lui est impliqué ou obligé de faire à cette personne-là? Certains des ulama, ils ont dit il doit bouger sa langue, il doit la remuer. Il nous dit le fait qu'il remue sa langue, ça remplace le fait qu'il prononce. Certains de ulama, et c'est la vie qui est juste, et dit cette personne-là, elle n'est pas dans la capacité de pouvoir prononcer, donc pourquoi on va lui charger une chose qui n'a aucun sens? Le fait qu'il remue la langue, ça n'a aucun sens. Ils prennent l'exemple pour cela de la personne qui n'a pas la capacité de se lever. Comme on a pu le voir, comme il nous a dit dans le hadith, de Imr ibn Hussein, salli qa'ima, fa in lam tastati' fa'ash, fa qa'ida, celui qui n'a pas la capacité de prier debout, il s'assoit. Il n'a pas dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, gigote. On peut dire la même chose. Donc celui qui ne peut pas prier debout, donc il doit gigoter pour ramener un mouvement qui indique qui prie debout. Non. Celui qui ne peut pas prier debout, il s'assoit. Celui qui ne peut pas prononcer, qui est muet, qaddara ma sha fa'al, il intentionne le yani Allahu Akbar. Il suffit qu'il intentionne wa innamal a'mal bin niyyat. Le fait qu'il intentionne, c'est une œuvre et inshallah qui remplace la prononciation car il n'est pas dans la capacité où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas une âme yani au-dessus de ses capacités. Tamam? Wa qala subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Écrivez à Allah subhanahu wa ta'ala comme vous le pouvez. Wa nabi sallam yaqul idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-la selon vos capacités. Donc la personne, elle n'est pas capable de faire ces choses-là, donc on ne lui demande pas de faire des choses qui n'ont aucun sens. Il se contente juste d'intentionner, inshallah, le fait qu'il prononce Allahu Akbar, et c'est suffisant. Et c'est suffisant pour lui. Il aura craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il le peut. Quant à la manière de prononcer At-Takbir, est-ce qu'il doit être prononcé à voix haute? Est-ce qu'il doit être fait discrètement? Si jamais la personne est imam, c'est-à-dire qu'il préside, il faut que cela soit fait d'une manière à ce que ceux qui sont présidés puissent l'entendre. Car le but de l'imam, c'est qu'il soit suivi. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imam yutamma bih. L'imam a été placé dans le but qu'il soit suivi. L'imam a été placé dans le but qu'il soit suivi. Donc yani pour que afin que le suivi s'accomplisse, il faut que la personne ou l'imam il élève la voix. S'il n'élève pas la voix, comment il peut être suivi? Donc afin que il soit bien suivi, l'imam, il faut qu'il prononce à haute voix. Il faut qu'il prononce à haute voix. Mais les autres personnes en dehors de l'imam, c'est-à-dire celui qui prie individuellement ou celui qui est présidé, il se contente juste de la dire de manière discrète. Il se contente juste de dire de manière discrète. Le dalil qui prouve cela, « Qu'allahu subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. » Invoquez votre Seigneur par humilité et discrétion. Donc, « at-takbir », comme on peut le voir, le fait que tu dises « Allahu Akbar », c'est une invocation. Ça fait partie d'un des adhkar, ça fait partie des choses par lesquelles tu proclames la grandeur d'Allah, ça fait partie des invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu l'invoques, il faut que ça soit fait avec discrétion. Donc la base, ou bien na'am, al-asl, fit du'a, c'est qu'elle soit faite discrètement. Sauf s'il y a un hadith ou bien un dalil qui nous prouve qu'il doit être fait à voix haute. Donc comme c'est le cas de la talbiya, ceux qui disent labbaik Allahumma labbaik ani fil hajj, ceci, yani, c'est une du'a, mais dans laquelle yani, il est venu un hadith qui prouve qu'il faut que tu élèves la voix. Tamam. Amma huna, si jamais tu n'as pas de preuve qui prouve cela, la personne qui indique qui prie tout seul, ou bien celui qui est présidé, le asl fihi, c'est qu'ils disent discrètement, c'est-à-dire qu'ils chuchotent ou bien qu'ils se fassent d'une manière à ce que lui-même il entende, ou bien les personnes qui sont autour de lui, comme l'a dit l'imam Shafi'i, il entende. C'est quoi la discrétion lorsque tu prononces une chose? C'est que tu te fasses entendre toi-même, c'est-à-dire le premier palier qui doit être atteint afin que ton oreille puisse entendre ce que ta bouche a dit. Et ceux qui sont juste à côté de toi, ils l'entendent. C'est-à-dire discrètement, ma'aruf, dans la prière. Quant aux choses qu'on voit, dans certaines mosquées, et ils prennent pour cela comme exemple, comme ce qui est fait dans le haram, comme c'est fait dans le masjid al-haram, et ça c'est une bid'a. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, le masjid al-haram, ils ont, au niveau de la sunnah, ils sont équipés. Ils n'ont pas besoin que le mu'adhin, après que l'imam dise Allahu Akbar, ou qu'il dise, il y a une chose dans la prière, qu'il est à répéter derrière lui. Il n'a pas besoin. Parce qu'il n'y a aucune raison pour cela. Il n'y a aucune raison pour cela. On n'a pas besoin qu'il fasse cela. On n'a pas besoin qu'il fasse cela, car l'imam le fait que, na'am barakallahu fikoum, dans notre époque, il y a des microphones, il y a des, comment ça s'appelle, des baffes qui sont pour ça, qui sont placés pour cela. Il n'a pas besoin, l'imam, de venir répéter derrière lui. Il n'y a aucun besoin qu'il fasse cela. Si jamais, mathalan, yani, la mosquée, elle n'a pas de microphone, ou bien que l'imam, mathalan, il a une voix qui n'est pas portante, qui fait que les personnes qui sont derrière lui, ils ne peuvent pas écouter ou plutôt entendre takbir, na'am. Dans ce cas-là, il est légitéré que la personne, elle vienne, qui est derrière lui, le mu'adhin, il élève la voix, et ce n'est pas forcément le mu'adhin. C'est la personne qui est derrière lui, il élève la voix, afin que ceux qui sont derrière lui, ils puissent entendre. Ou si maintenant il est malade, ou si maintenant il a attrapé une grippe, ou une chose qui a fait que sa voix l'a diminué. Et toutes ces choses-là, na'am. Il est obligé, ou bien une personne qui est derrière lui, il est obligé de s'entraider avec l'imam afin que ceux qui sont présidés puissent suivre l'imam. Dans ce cas-là, na'am, c'est légiféré. En dehors de cela, c'est pas légiféré. c'est pas légiféré. Donc inshallah, ça c'est une chose qu'il faut pas faire. Si jamais il n'y a pas besoin de le faire. Tamam. Hatta qala Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il nous dit que yani, les savants sont tous unanimes que ceci n'est pas légiféré que si jamais il y a un besoin pour cela. Wa qala les imams al-arba, c'est-à-dire Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed rahmatullahi alayhim, ils sont tous kadhalika unanimes que ceci est une bid'ah, le fait de le faire sans raison valable, c'est une bid'ah. Tamam. نواصل إن شاء الله في القراءة. قال رحمه الله تعالى وهو ركن أي التكبير. Ça fait partie des piliers de la prière. Donc c'est le deuxième pilier après l'intention. Le deuxième pilier après l'intention. Donc comme l'a dit Cheikh Al-Albani, c'est un ركن. Pourquoi? Car il fait partie intégrante de la prière. Et même si, comme le dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la clé de la prière. C'est la formule par laquelle la personne elle ouvre la prière. La première des choses qu'il fait dans la prière, c'est at-takbir. At-takbir. Wad-dalil ala zalika, qui nous prouve que c'est un pilier, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, miftahu salat at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Rawahu at-Tirmidhi, wa hassanahu al-Shaykh Muhammad ibn Hizam, hafidhahu Allah ta'ala. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que la consécration rituelle par lequel débute la prière, c'est le fait de faire at-takbir. C'est le fait de faire at-takbir. Et comme il y a un effet hadith, al-musi as-salah, ce qui nous prouve que si jamais tu ne le fais pas, c'est annulé. Comme on a pu le voir, toutes les choses qui sont évoquées dans le hadith de celui qui, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la prière à la personne qui ne savait pas prier, tamam. Tout ce qui est évoqué dans ce hadith-là, là, c'est tous des piliers. Et parmi les choses qui ont été évoquées, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire takbir. Qala summa astaqbil al-qibla summa kabbir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se diriger vers la qibla et ensuite de faire at-takbir. Et de faire ensuite at-takbir. Donc ceci nous prouve que le premier hadith nous prouve qu'il fait partie intégrante de la prière et le deuxième nous prouve que si jamais il est délaissé, il va annuler la prière car il fait partie des choses dans lesquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la personne qui ne savait pas prier. Et toutes ces choses-là qui sont évoquées dans ce hadith-là sont des choses qui annulent la prière si jamais elles ne sont pas observées, car par cela s'accomplit la prière. Donc, ceci nous prouve, et ceci est en concordance avec la définition du pilier, qui est la chose qui fait partie intégrante de la prière et qui annule la prière si jamais elle n'est pas observée. قال وهو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Il nous dit, comme on a pu voir dans le hadith. Tamam. Donc la clé de la prière, c'est at-tuhur, yani le fait de faire les ablutions. Wa tahrimuha at-takbir, yani les choses par lesquelles la personne, en prononçant at-takbir, il va se voir interdit des choses. C'est pour ça qu'il l'appelait tahrimuha. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, c'est-à-dire les choses qui vont lui rendre illicite, les choses qui s'est rendu ou bien autoproclamé illicite lorsqu'il a dit at-takbir. قال ولا يرفع صوته بالتكبير في كل صلوات الا اذا كان اماما. Il dit, Cheikh Al-Albani, il n'élève pas la voix pour faire un takbir dans toutes ses prières, excepté si jamais la personne elle est imam, comme on a pu le voir, parce que il est obligé d'être suivi, et ça fait partie des choses par lesquelles s'accomplit le suivi. Et كذلك, comme ça va venir. نعم ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الامام الى الناس. Il dit, c'est possible au muadhdhin et autres. Le fait que ce soit qu'ils ont restreint cette autorisation au muadhdhin, c'est plus large. Toute personne qui a une voix portante qui puisse transmettre le takbir de l'imam aux personnes qui sont présidées. Donc il nous dit, il est possible à la personne de au muadhdhin plutôt de transmettre le takbir de l'imam aux personnes qui sont présidées. قال إذا وجد المقتدي ذلك, à partir du moment où il y a un besoin pour cela. Camarade l'imam, comme c'est le cas lorsque l'imam il est malade, ou bien que sa voix n'est pas portante, ou bien que le mosquite il est d'une superficie qui est vraiment immense et que il y a beaucoup de gens qui sont présidés derrière lui. Donc toutes ces choses-là, c'est à titre d'exemple, dans tous ces exemples-là, il est possible à la personne ou bien ceux qui est derrière l'imam de transmettre le takbir de l'imam. قال ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. Il nous dit, à partir de quel moment il est permis à celui qui est présidé de prononcer la formule Allahu Akbar à partir du moment que l'imam il a fini. Dès qu'il a fini de dire Allahu Akbar, toi tu dis après cela Allahu Akbar. Wa dalil ala dhalika anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inma ju'ila al-imam yutamma bi fa idha kabbara fakabbiru. Nabiy sallallahu alayhi wa sallam dit l'imam il a été placé pour être suivi. Et lorsqu'il fait le takbir, et lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Tamam, donc c'est-à-dire lorsqu'il finit la formule. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, c'est-à-dire il a dit entièrement, dites-vous après cela Allahu Akbar. Donc il ne faut pas qu'il dise en même temps. Ou bien dès qu'il a commencé de dire Allah, et lui commence à dire Kazalika, dire Allahu Akbar. Non, il le laisse finir, Allahu Akbar. Et ensuite lui, celui qui est présidé, il dit Kazalika, Allahu Akbar. Comme le prouve ce haditha qui est muttafaqun alayhi, un Abi Hurayra. قال رحمه الله تعالى رفع اليدين وكيفيته يعني le fait quel est le jugement de lever les mains pendant la prière et la manière de l'accomplir. قال ويرفع يديه مع التكبير او قبله او بعده كل ذلك ثابت في السنه. ان دي شيخ الالباني رحمه الله تعالى donc il doit le musalli lever sa main avec le takbir ou bien avant le takbir ou bien après le takbir. Il dit toutes ces trois manières de faire sont authentifié dans la sunna. Elles ont été authentifiées dans la sunna. Quant au jugement, avant de passer à la manière de lever les mains, quant au jugement du fait de lever les mains pendant la prière, comme nous a dit l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, comme il l'a rapporté de l'imam Ibn Mundhir, rahimahullah ta'ala, ils disent les savants n'ont divergé sur le fait que cela est légiféré. Le fait de lever la main ou les mains, barakallahu pendant la prière, dans la prière, c'est une chose qui est légiférée. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith Ibn Umar, كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه Ibn Umar nous rapporte رضي الله تعالى عنه que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de lever ses mains jusqu'à la hauteur de ses épaules lorsqu'il voulait ouvrir la prière. Donc le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ça définit cette chose-là qu'elle est légiférée. Mais après cela, les ulama ils ont divergé. Ils sont tous unanimes que c'est légiféré de faire ça. Ensuite, ils ont divergé sur le jugement du fait de lever les mains pendant la prière. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est un pilier? Ils ont divergé sur cela. Certains ont dit c'est un pilier. Certains ont dit c'est une obligation. Mais l'avis qui est prépondérant, barakallahu fikum, c'est que c'est une sunna qui est muakkada. Une sunna qui est bien, qui ne convient pas d'être délaissée. Muakkada, qui ne convient pas d'être délaissé. Comme le prouve Hadith Ibn Umar, celui qu'on vient de lire à l'instant, qu'Nabi sallallahu alayhi wa sallam yarfa yadayhi hadha man kibay idha iftata'a salah. Donc le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam le fasse, ou a fait, a levé les mains, ceci nous prouve que c'est une sunnah. Car comment il est déduit dans les textes de l'islam, la sunnah, c'est une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais n'a pas ordonné à sa communauté. Et dans ce hadith-là, il a fait, il n'a pas ordonné à sa communauté. Donc ceci est une réfutation aux personnes qui ont dit que le fait de lever les mains, c'est une obligation. Le fait de lever les mains, il dit c'est une obligation. On leur dit c'est pas possible qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ordonné. Et le fait de. Et comment on déduit une obligation dans l'islam, il faut qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur donne cette chose-là. S'il leur donne cette chose-là, on dit cette chose-là, c'est une obligation jusqu'à preuve du contraire. Et si jamais il fait cette chose-là sans l'ordonner, on dit ceci est une sunnah jusqu'à preuve du contraire. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas ordonné, mais il l'a fait. Donc c'est une sunnah. Et qu'à Dalika, c'est une réfutation. On fait une réfutation aux personnes qui ont dit c'est un pilier, en leur disant si jamais ça aurait été un pilier, il y en a la chose par laquelle s'accomplit la salah, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait enseigné à la personne qui ne savait pas prier. Et lorsque tu regardes les paragraphes du hadith de celui qui ne savait pas prier, il n'est aucunement cité que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a enseigné le fait de lever les mains. Donc le fait qu'il ne lui a pas enseigné ceci, ou il ne lui a pas dit cela, il ne lui a pas évoqué ceci. Ceci nous prouve que ce n'est pas un pilier, mais c'est une sunna. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, c'est une sunna que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé. Hatta Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, kana yahsudu an-nas alladhina kanu la yarfa'una aydiyahum fi salah. Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, il voyait que le fait de délaisser, le fait de ne pas lever la main pendant la prière, il voyait que c'était une chose qui était vraiment détestable, jusqu'au point où il caillassait certaines personnes, avec des petits cailloux, il caillassait certaines personnes qui ne levaient pas la prière pour leur faire, pour tirer leur attention sur le fait qu'il faut qu'ils lèvent les mains pendant la prière. Donc ceci, c'est une chose que qui est ma'ruf عند sahaba, et même qui est connu chez les sahaba, qui ne délaissait pas cette chose-là. Et tous les hadiths ou bien tous les athars qui sont venus sur cela, c'est des hadiths qui sont, soit c'est des athars qui sont inventés, soit qui sont da'ifs, on peut aucunement dire de ces hadiths-là, yani, ou prendre de ces hadiths-là, et de ces athars qu'il ne faut pas lever la main. Donc ceci, c'est une, le fait de ne pas de délaisser ces choses-là, c'est une chose qui est vraiment détestable. Et qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'un sahaba, il voit que c'était vraiment détestable de délaisser ces choses-là jusqu'à au point de caisser certaines personnes qui délaissaient. Donc le jugement de lever les mains pendant la salah, c'est une chose qui est une sunnah mu'akkada, une chose qui est, c'est une sunnah qui n'est pas permis ou bien qui n'est pas, qui est vraiment détestable à la personne s'il la délaisse. Il ne faut pas la délaisser. قال رحمه الله تعالى ويرفعهما أو قبل ذلك إنه دي ويرفع يديه مع التكبير أو قبل يعني مع التكبير قبله أو بعده يعني à quel moment il est permis de ou bien les légiférer de lever la main. Donc comme nous a dit Cheikh Al-Albani dans ce paragraphe là, il a trois manières de faire pour cela, ou trois moments pour cela: avec le takbir, avant le takbir ou bien après le takbir. Et tout cela, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, kullu dhalika thabitun fi sunnah. Et toutes ces manières de faire sont venues dans la sunnah. Comme c'est le cas du hadith barakallahu fikum d'Ibn Umar qu'on a pu voir avant. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yarfa' yadayhi hina yukabbir. Muttafaqun alayhi al-Bukhari. De ce hadith-là, Ibn Umar nous informe radiyallahu ta'ala huma kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam il levait les mains au moment où il faisait le takbir. Donc c'est-à-dire maha, comme a dit Cheikh Al-Albani, maha takbir, au moment où il faisait le takbir, Allahu Akbar, il levait les mains. Donc ceci est une sunna qui a été authentifiée, comme c'est le cas du hadith Ibn Umar rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Avant le takbir, dalil ala zalika hadith kadhalika Ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. Donc بارك الله فيكم. Dans ce hadith, il nous a dit, qui est rapporté par l'imam muslim, selon Ibn Umar رضي الله تعالى عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم il levait sa main jusqu'à la hauteur des épaules, تمام, et ensuite il faisait le takbir, c'est-à-dire qu'il faisait précéder le fait de lever les mains, ensuite il faisait le takbir. Et le troisième moment, c'est après le takbir. والدليل ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, رواه مسلم, qui est rapporté par l'imam مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, ou bien مالك بن الحويرث nous informe que le prophète صلى الله عليه وسلم نعم كان إذا صلى كبر. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait takbir, ensuite il levait ses mains. Donc trois manières de faire quant au moment de lever ses mains, c'est-à-dire avec le takbir, avant ou bien après le takbir. Qala rahimahullahu ta'ala wa yarfa'uhuma mamdudata ala sabi'. Il nous dit, il lève ses deux mains en, pour cela il étend ses doigts. Il faut que ses doigts soient étendus. Ils soient bien tendus, je veux dire. Il faut que ses doigts soient tendus. Mamdudata ala sabi'. Que ses doigts soient tous tendus. والدليل ذلك كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا رواه أبو داود وصححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Abi Huraira selon barakallahu fikum Abu Daoud et authentifié par Cheikh Mughbil رحمه الله تعالى, nous dit النبي صلى الله عليه وسلم il levait ses mains lorsqu'il voulait rentrer dans la prière, il faisait takbir, il levait ses mains en étendant ses mains, en mettant ses doigts plutôt, yani de manière tendue. Il faut que ses doigts soient tendus. Anabi sallallahu alayhi wa sallam kana yafal zalika, rafa'a yadayhi maddan. Yani il étendait ses doigts lorsqu'il levait ses mains. Anabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait d'écarter les doigts ou bien les séparer, c'est contraire. Barakallahu fikum ala sunnah. Parce que le fait que tu les écartes, on ne peut pas dire qu'ils sont bien tendus, ça veut dire droits. Maddan. Le fait que toi tu écartes les mains comme c'est le cas de certaines personnes, comme si jamais tu voulais montrer que le nombre 5, lorsque tu écartes tes mains de cette façon-là, yani ça contredit la manière de faire que Nabi Sussam l'a fait. Parce qu'il nous dit meddan, c'est-à-dire droit, tendu et droit. Donc le fait que tu écartes, même si jamais ils sont tendus, mais chaque doigt il va d'un côté. Mais le fait que tu les mets bien droit et qu'ils soient tendus, naham, ça c'est la kefia qu'il faut faire. Et le fait qu'un Nabi Sussam les mettait droit et tendu, ça ne veut pas dire kazalika qu'il est naham. Qu'il faut que les doigts soient tous joints. Non, c'est pas forcément, c'est pas obligé. Si jamais il est joint, non. C'est certes, il les a certes tendus et il les a mis de façon yani droite. Mais c'est pas yani obligé ou bien c'est pas une sunna, le fait de serrer les doigts pour cela. À partir du moment que les doigts sont droits et qu'ils sont tendus, même s'ils sont pas joints, ils sont pas collés, Ça suffit. Tamam. Donc la suffisance dans cela, c'est qu'il soit les doigts tendus et qu'il soit barakallahu fikoum, yani droit. Et ça, c'est une sunnah. C'est pas une obligation, mais c'est une sunnah que le Messie a fait, comme on a pu le voir. Car parmi les règles du fondement de la jurisprudence, à partir du moment que le Nabi Sassam fait une chose, ça implique de cette chose-là qu'elle est une sunna à partir du moment où il n'y a rien qui nous prouve le contraire, c'est-à-dire qu'elle est une obligation ou autre. Donc le muslim, il ne se cherche pas à son âme des choses que le Nabi Sassam ne lui a pas recommandé. Donc il fait comme c'est venu. قال رحمه الله تعالى ويجعل كفيه حذو من كبيه واحيانا يبلغ في رفعهما حتى يحاذي بهما اطراف اذنيه. يعني quant à la manière de faire, الشيخ الالباني nous dit la personne musulli, il doit placer ses mains à la hauteur de ses épaules, et parfois ou bien de temps en temps il peut faire ça en les mettant à la hauteur de ses oreilles, en les mettant à la hauteur de ses oreilles. Donc il y a pour cela, pour lever les mains, tu as deux manières de faire. Soit tu les mets à la hauteur de ton épaule, ou soit tu les mets à la hauteur de tes oreilles. Et ça, c'est la sunna. Celui qui aura fait ça, il aura certes fait une sunna. Mais si jamais, il lève la main au-dessus de sa tête, ou plutôt au-dessus de ses oreilles, c'est-à-dire jusqu'à sa tête, sa prière sera acceptée, mais il aura fait une chose qui est détestable. Kadhalika, la personne qui aura levé ses mains en dessous de sa poitrine, au niveau de sa poitrine, c'est-à-dire pas au niveau des épaules, mais en dessous de la poitrine, en dessous des épaules, vers la poitrine. Kadhalika, on dira, c'est-à-dire le bout des doigts. Le bout des doigts, il se termine au niveau de la poitrine. On dira kadhalika, sa prière, elle a accepté, mais il a délaissé la sunnah. Il a délaissé la sunnah. Donc le fait de faire ça, c'est des sunnah. Ça fait partie de la sunnah du prophète sallam. Donc le fait de le mettre, le dali qui nous prouve qu'il est possible de faire ça, ou qu'il est recommandé de faire ça, de le mettre au niveau des épaules, hadith Ibn Umar, comme on a pu le voir juste avant, et kadhalika hadith Abi Humaid, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibay, rawahu al-Bukhari wa Abu Daoud rahmatullahi alayhima. Donc de ce hadith là, il nous a dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains au niveau des épaules, c'est-à-dire le bout des doigts, il se termine, parce que il a, comme vous pouvez le voir inshallah dans la langue arabe, il a yani ce harf jar lil intiha. C'est-à-dire, c'est le harf jar qui est employé pour limiter, pour limiter une chose. C'est-à-dire que lorsque le Nabi Sassam dit il a, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse les épaules. C'est au niveau des épaules. C'est-à-dire que le bout des doigts, il s'arrête au niveau des épaules. Ça, c'est une kayfiyya, c'est une manière de faire. Et la deuxième kayfiyya qui est rapportée par Malik ibn Huwayrith, anna Nabi Sassam kana yarfa' yaday hatta yuhadiya bihima furu'a udhunayhi. Rawah Muslim. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains jusqu'à les faire atteindre, le furu' udhunay, c'est-à-dire le haut des oreilles. Le haut des oreilles, c'est pas le lobe, mais c'est le haut des oreilles. C'est-à-dire, naham kadalika, il est permis que c'est le bout de ses doigts, ils arrivent au niveau de la hauteur de ses oreilles. C'est-à-dire, l'extrémité inverse au lobe de l'oreille. Donc tout cela sont des choses qui sont authentifiées par la sunna et qui est permis de faire. Et Cheikh Al-Albani, en bas de la page, il nous fait part d'une annotation qui est importante. Il dit Kulto, wa amma massa shahmatay al-udhunay bi ibhamay, nam, wa amma massa shahmatay al-udhunay bi ibhamay, fala aslahu fi sunnah, bal huwa indi min dawa'i al-waswasah. Il dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, les personnes, comme c'est le cas dans certains masajid, qui lorsqu'ils lèvent leur main, ils touchent avec leur pouce le lobe de l'oreille. Comme c'est le cas en France, on a pu le voir ça régulièrement. Les personnes qui touchent le lobe de leurs oreilles avec le pouce, ça c'est une chose qui n'est pas venue dans la sunna. C'est pas une chose qui est venue dans la sunna. Et comme il dit Cheikh Al-Albani, elle n'a aucune origine dans la sunna. Il dit, hatta Cheikh Al-Albani dit, ça plutôt c'est des choses qui montrent que cette personne-là, wallah alam, elle a peut-être des waswas. Car pourquoi elle touche le bout des oreilles? Certaines personnes qui ont des waswas, il dit, Yanni, est-ce que j'ai levé la main? Il a levé la main, mais avec les waswas, il s'amuse avec lui. Et il se dit, peut-être que j'ai pas levé la main. Alors qu'il a levé la main. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour s'assurer qu'il a levé sa main? Il touche le bout de ses oreilles. Comme ça, il sait qu'il a levé la main. Il dit, Cheikh Al-Albani, ceux qui font ça, Yanni, c'est Mendawa al-Waswasa. Ceux qui ont peur des waswas, donc ils veulent s'affirmer à eux-mêmes qu'ils ont bien fait cette œuvre-là. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de ça, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Y a-t-il des questions bien des éclaircissements qu'il faut faire? C'est aussi sunnah de lever les mains quand on est assis pendant la salat. Quand on est assis. c'est-à-dire assis. Quand la personne elle ne peut pas prier debout, c'est ça qui veut dire ou bien entre les sujouds, on va le voir, inchallah. Ça, c'est pas. Il est venu un hadith qui est muntafakun alayhi. An Nabi Sallam qala, yani kana yarfa yadayhi, عند التكبير وعند رفعه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود. Il y a un autre hadith qui est venu qui nous dit que Nabi Sallam il a fait cela. Mais ce hadith-là qui nous prouve ou bien qui indique que Nabi Sallam il a fait cela, c'est un hadith qui est chèvre, qui contredit les autres hadiths. Donc il n'est pas permis de faire cela. Mais Inch'Allah, ça va venir. Lorsqu'on va rentrer Inch'Allah dans le sujoud, on va l'évoquer Inch'Allah. On va le voir Inch'Allah. Il y a quatre endroits où tu lèves les mains pendant la prière. Donc le premier, on va le voir tout cela. C'est le takbir. Lorsque tu descends du rukou, lorsque tu reviens du rukou, et lorsque tu reviens du tashahhud athani, du premier tashahhud, lorsque tu reviens pour la troisième raka, ça c'est le quatrième endroit où tu lèves la main. Hormis cela, il n'est pas été authentifié du prophète qu'il a fait, il a levé la main dans des postures autres que cela. Mais tout ça, Inch'Allah, ça va venir. Le coordonnée vous avait dit que délaisser une œuvre, c'est riya. Pourquoi? Si c'est pour éviter d'embellir ou autre qu'Allah. Comme il a dit, Fudayl ibn Iyad, et je pense que c'est lui, j'ai pas eu le temps de vérifier est-ce que c'est lui qui dit ça, mais mes souvenirs c'est que c'est ce Tabiri qui dit ça, Fudayl ibn Iyad. Il dit, yani, tark al-amal linnas riya. Wa fi'al al-amal linnas riya. Le fait que tu délaisses, barakallahu fikum, une œuvre pour les gens, tamam, il dit ça c'est riya, parce que lorsque tu délaisses une chose, tu dois la délaisser pour Allah Azza wa Jalla. Annabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, awadahu Allah khayra min. Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace par une autre que une chose bien meilleure. Et le ulama de l'usul, dans les fondements de la jurisprudence, ils nous disent que l'œuvre, elle se divise en deux. Ta lèvre qui est l'accomplissement et ta lèvre qui est le fait de délaisser une chose. Le fait que tu délaisses une chose, c'est une œuvre. Le fait que tu délaisses une chose, c'est une œuvre. Donc cette œuvre-là, si jamais tu la délaisses, le délaissement, si jamais c'est une œuvre, le fait que tu l'as fait pour un autre qu'Allah, ça devient arriya. Non, arriya, toi, comment tu le. T'as de faire arriya. T'as-al Allah, Azza wa Jal. T'as-al Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque yani, tu vois ta peur de arriya, le fait que. Comment tu vas combattre cette ostentation. C'est pas en délaissant la chose. C'est en demandant à Allah, Azza wa Jal, qui dirige ton cœur vers lui. C'est ça le vrai remède. C'est pas que tu délaisses la chose pour. Parce que le fait que tu délaisses la chose pour cette personne-là, en aucun cas ça va résoudre le problème. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une personne va se présenter, tu vas pas prier. Ou tu vas délaisser cette chose-là. Non, tu pourras pas. Lakin, le remède, c'est que tu demandes à Allah Azza wa Jal et que tu te préoccupes pas de cette chose-là. Que ton attention soit vraiment vouée pour Allah Azza wa Jal. Il faut que la personne travaille son attention. Parce qu'il faut que lorsqu'il fait ces choses-là, yani, il recherche l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que déjà dans son cœur, il y a un problème. Il faut qu'il remédie à ce problème-là en demandant à Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dirige son cœur vers lui. Mais en aucun cas de délaisser. Et ça, c'est une parole de Tabi'i. Ça, c'est ma'ruf. Tark al-amal linnas riya. Donc la personne travaille son nafs. Wa tasta'id billah. Elle demande le refuge et l'aide auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le remède. C'est pas de délaisser l'œuvre. C'est même, Inch'Allah. Et la preuve qui prouve que le fait de délaisser une chose, c'est une œuvre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par rapport aux Yahoud, qui ne faisaient pas le amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. كانوا لا يتناهون عن منكر. Ils ne s'attardaient pas à eux-mêmes les choses qui sont blâmables. Au contraire, ils le faisaient. Et il a dit après Allah subhanahu wa ta'ala, بئس ما كانوا يفعلون. Et bien mauvais la chose qu'il faisait. Et bien mauvais la chose qu'il faisait. Et en gros, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié le fait de délaisser que c'est une œuvre. Yaf'alun. Alors qu'ils ont délaissé, ils n'ont pas fait. Ils ne se sont pas recommandé le bien. Ils ont délaissé cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié le fait que l'acte yani, qui est délaissé comme une œuvre. Et bien mauvais la chose qu'il faisait. Donc ceci nous prouve, comme ils ont dit les usuliyun, les ulama du fondement de la jurisprudence, science que je vous incite fortement, Inch'Allah, à étudier, ils nous ont dit que cela yani, prouve que le fait de délaisser, barakallahu, ça fait de cette œuvre-là qu'elle est une œuvre. Délaisser, c'est une œuvre. Si on fait le texte de la voix haute sans raison, je m'en. Non, c'est détestable. C'est une chose qui est détestable. Est-ce que ça annule la prière? Wallah, non, mais il n'y a pas de jugement par rapport à le fait que ça annule la prière. C'est une bid'ah, une chose qu'il n'avait jamais pas fait. Mais ça n'aime pas la prière. Non, pas forcément. Par exemple, un Nabi Sallam, est-ce qu'il avait parmi les sunnahs qu'il a fait un Nabi Sallam, le witr. Quel est le jugement du witr? Chose que un Nabi Sallam ne délaissait pas. La fi safar wa la fi hadar. Quel jugement du witr? Sunnah. Mais le fait qu'il ne délaisse pas cette chose-là, yani ça ajoute à la sunnah qu'elle est mu'akkada. C'est-à-dire que vraiment la personne qui se la délaisse, c'est vraiment, vraiment, il a vraiment détesté yani une chose, il a vraiment délaissé une chose qui était bien meilleure pour lui. Pour ça qu'ils appellent ça sunnah mu'akkada. Sunnah mu'akkada. Sunnah mu'akkada, c'est la sunnah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire et qu'il n'a jamais délaissé. Mais ça ne fait pas de cette chose-là une obligation. Kazalika yani sunnah al-fajr. Jamais il les a délaissé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ma'ruf, sunnah al-fajr. C'est une chose qui... Naam, priez comme vous m'avez vu prier. C'est vrai, ce hadith-là, c'est un ordre. Sallou, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallou kama ra'aytumuni usalli. Lakin, si jamais on venait apprendre ce hadith-là, dans son intégralité, ça veut dire qu'on ferait de tous les éléments de la prière que c'est une chose qui est obligatoire. Ça? Parce que ça veut dire tout ce qu'il a fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallou. Il nous ordonne. C'est-à-dire que toute chose dans la prière, c'est une obligation. Et le premier degré, c'est qu'on dit c'est une obligation et ça peut être après un pilier. Et qu'il n'y a aucune sunnah dans la prière. Donc ce hadith-là, il est restreint. Ou bien, il est ram, c'est-à-dire qu'il l'englobe. La recommandation et l'ordre. On se contente de ça, Inch'Allah. Ou bien, y a-t-il perdu des personnes qui ont encore des questions? Donc je vois qu'il n'y a que des points, donc Inch'Allah, on va se contenter de cela. بارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم وفيكم بارك الله سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.